gamin. Te moque pas du vieux qui passe, si dedans mes vieux il se tasse. Hier il a tenu sa place, quand le pays était vaincu et envahi par les nazis, laissant les parents, les amis et le confort d'un très bon lit, afin qu'un jour tu aies ta place. Lui il est parti au maquis. Gamin, te moque pas du vieux qui passe, prends donc plutôt ma main tendue, je te montrerai le chemin d'un passé triste et bien lointain. Les hommes faisaient encore la guerre, la terre était encore en sang. Il faut parfois songer, hélas, que le passé peut repasser. Il faut donc, petit, que tu saches. Gamin, te moque pas du vieux qui passe, quand certains se voilaient la face. Il en fallait bien de l'audace pour être de ces grands maudits, voulant libérer le pays. Un fusil serré dans les mains, quelques chargeurs dans la besace, traquer l'ennemi en sa place, fuir comme vision qui s'efface. Jamais te manque pas du vieux qui passe, la nuit dans la neige et la glace. Baliser le terrain caché pour l'avion annoncé qui passe, voir tomber du ciel étoilé les blanches corolles qui a porté les armes longtemps espérées, qu'il fallait très vite emporter avant d'abandonner la place. Gamin, te moque pas du vieux qui passe, allez au sein de la grande ville, exécuter le collabo, marcher longtemps sous les futaies, jusqu'au pont et sa voie ferrée, qu'il faudra faire juste sauter, au passage du train signalé, voir tomber au fond du ravin, char et canon qui s'y fracasse. Gamin, te manque pas du vieux qui passe, se cacher pour pleurer la mort d'un copain tombé sur la face, verser de vraies larmes d'enfant, c'est normal à juste 20 ans, tendre le poing vers l'au-delà, maudire la vie et ceux d'en face, mais il faut que le cœur s'y fasse pour retourner où l'on trépasse. Gamin, te manque pas du vieux qui passe, si un jour ce temps-là repasse, pourras-tu reprendre la trace. Gamin, te manque pas du vieux qui passe, car il a su tenir sa place. Te moque pas du vieux qui passe.